Juste avant de commencer, il y a un frère qui m'avait demandé, parce que je lui parlais d'un livre à propos du sujet dont on parle maintenant, et j'ai trouvé le titre finalement. C'est « An-Naql al-Amin li bayani aqidat al-wala wal-bara عند الإخوان المسلمين ». C'est ça le titre pour le livre. Et l'auteur c'est Abu al-Abbas Mansour ibn Abdah ibn Ahmad al-Majidi. Et il y a dans ce livre, il y a l'introduction de Cheikh Mohamed al-Imam et du Cheikh Abdelaziz al-Bura'i. Cheikh Abdelaziz al-Bura'i. Donc ça, c'est deux Cheikhs qui ont fait l'introduction du livre. Et il y a beaucoup plus de détails que qu'est-ce qu'on mentionne maintenant dans le cours à propos de ça. Donc on va commencer, Inch'Allah. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue maintenant dans la suite de qu'est-ce qu'on a expliqué dans les explications du Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah, au sujet de l'explication qu'il a faite de Al-Usul al-Thalatha, et dans le chapitre où il parle de l'explication de Al-Wala wal-Bara, et en particulier de Al-Wala wal-Bara vis-à-vis des gens de Bid'ah. Et avant de reprendre exactement à l'endroit où on avait laissé au dernier cours, il y a quelques points que j'aimerais clarifier. Premièrement, clarification de quelques shubuhat qui sont employés de la part des gens de Hizbiya pour essayer de faire en sorte de défendre certains de leurs prêcheurs ou de leurs chefs. C'est la bid'a qu'on appelle la bid'a des muwazanat, al-muwazanat, c'est-à-dire qu'ils prétendent que lorsqu'on parle d'un individu, il faut toujours mentionner le bien avec le mal qu'il a fait. Hein? Donc, ils disent que, peu importe, donc quand on parle de Hassan al-Banna, ou bien qu'on parle de d'autres personnes comme Hassan al-Banna, parmi ceux qui ont été des responsables de certains groupes ou fondateurs de certaines sectes, ou ceux qui ont appelé à certaines innovations, ils disent que yani, lorsqu'on met en garde contre eux et qu'on mentionne leurs égarements, il faut également mentionner le bien qu'ils ont fait. Et yani, alhamdoulilah, les ulama de la sunna ont clarifié que ça, c'est une innovation en soi. L'idée que lorsqu'on parle des innovateurs, il faut en même temps mentionner leurs bonnes actions et leurs qualités et le bien qu'ils ont fait, eh bien, ça, c'est quelque chose qui yani, il n'a aucune référence, aucune preuve dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans l'exemple des salaf al-salih. Puisque quand les salaf mettaient en garde contre quelqu'un qui avait fait une innovation dans la religion et qui appelait à une innovation dans la religion, ils n'ont jamais yani, mentionné en même temps que leur bid'a, ils n'ont jamais mentionné leurs bonnes actions en même temps. Hein? Puisque lorsque tu vas mentionner leurs bonnes actions et que tu mentionnes le bien qu'ils ont fait ou s'ils avaient du bien, eh bien ça fait en sorte que tu es en train de c'est comme si tu es en train de réduire le danger que cette personne-là représente par rapport à la bid'a qu'il propage. C'est comme si en même temps que tu mets en garde, mais en même temps tu dis, ben, il est bon quand même. Et vous pouvez quand même profiter de lui et vous référer à lui. Donc c'est comme si tu es en train de faire quelque chose, puis tu es en train de l'annuler en même temps. Et comme les ulama également ont clarifié cette bid'a, ils ont montré sa fausseté. Ils ont montré les preuves qui montrent que elle est en opposition avec même le Coran. Hein? Puisque lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne par exemple des gens qui ont appelé au shirk ou qui ont combattu l'islam ou qui ont combattu les prophètes d'Allah dans le Coran, ou lorsqu'il parle des koufars et des mouchriquines, des juifs et des chrétiens ou autres dans le Coran, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne à leur sujet que leur kufr, que leur shirk, que leur égarement. Il ne mentionnera pas les bonnes actions qu'ils ont faites ou leurs qualités. Et comme les ulama l'ont clarifié, par exemple, que c'est certain, peu importe la personne dont on parle, même si c'est Pharaon ou même si c'est un autre d'entre les mushrikin, Abu Lahab ou Abu Jahl ou n'importe quel autre, c'est certain que tu ne peux pas dire de ces gens-là qu'ils n'avaient que du mal et qu'ils n'avaient absolument aucune qualité et qu'ils n'ont jamais fait aucun bien. Hein? Ça c'est certain. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ce bien-là? Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié le bien qu'ils avaient fait et a fait l'éloge de ce bien-là? Non. Pourquoi? Parce que le but de la mention de ces personnes-là, c'est justement pour que ça serve de leçon pour les croyants. Et c'est pour en même temps mettre en garde les croyants contre le danger du shirk et du kufr que ces gens-là pratiquaient et qu'ils appelaient les hommes à suivre. Donc, il n'y aurait aucun bien dans le fait de mentionner un bien qu'ils auraient fait. Même s'ils avaient certaines caractéristiques, comme par exemple à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même avant l'islam, les Arabes avaient certaines qualités par lesquelles ils se distinguaient, et parmi ces qualités-là, la générosité, le courage, le respect de la parole et de l'engagement, l'honnêteté, hein, et toutes ces qualités-là, c'était des qualités qu'on pouvait retrouver chez eux, malgré que c'était des koufars, des mouchriquines. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne mentionne pas ça dans le Coran. Il mentionne leur shirk, leur kufr, leur opposition à la vérité, et il mentionne leur punition et le sort qu'il a été réservé dans l'au-delà, pour que les croyants voient ça et qu'ils prennent des leçons de ça et qu'ils s'écartent de leur voie et qu'ils fassent attention justement à ne pas avoir justement une conclusion comme celle de ces gens-là. Et donc c'est la même chose également lorsque les salafs mettaient en garde contre les innovateurs et contre les jeunes bid'a. Ils mentionnaient leur bid'a et ça s'arrêtait là. Ils n'allaient pas commencer à faire l'énumération des qualités de ces gens-là ou d'énumérer les éloges qu'on leur a fait. Même si ces savants-là, parfois, qui avaient fait des bid'a ou des choses comme ça parmi eux, avant d'avoir amené cette bid'a, étaient des gens qui étaient respectés ou qui étaient très pieux ou des choses de ce genre, malgré tout, ils avertissaient contre eux, ils mettaient en garde contre eux. Et parmi des exemples de ça, l'imam Ahmad, lorsqu'il a mis en garde contre Al-Haris Al-Muhasibi, et lorsqu'il a mis en garde aussi contre Al-Karabisi, et d'autres également parmi les individus de cette catégorie-là qui avaient écrit des livres dans lesquels il y avait des bid'ahs. Et ils ont mis en garde contre eux, malgré que c'était des gens qui rapportaient le hadith et qui enseignaient la science et qui parlaient, qui étaient connus parmi les ulama. Et ils n'ont pas mentionné leur qualité. Donc ça c'est pour faire comprendre que lorsque quelqu'un ramène une innovation ou une bid'a ou des principes parmi les principes de l'égarement ou des fondements qui sont en opposition et en contradiction avec les fondements d'Ahlus Sunnati wal Jama'a et du manhaj des salafs, eh bien, il est suffisant pour quelqu'un de se limiter à la mention de leurs égarements et de leurs erreurs et de leurs bid'a pour mettre en garde à propos de ces gens-là. Et une autre égarement qui est proche de celle-là et qui est relié à celle-là aussi, c'est par rapport aux livres et aux cassettes des innovateurs et des gens de bid'ah. Parce que certaines personnes disent, lorsque tu veux lire des gens qui ne sont pas sur la sunna, des livres ou des cassettes, ils disent, prends qu'est-ce qui est bon dans leurs paroles et laisse de côté ce qui est mauvais. C'est-à-dire, tu vas lire leurs livres, tu vas écouter leurs cassettes et leurs audios, prends qu'est-ce qui est bon et laisse de côté ce qui est mauvais. Et le danger dans ça, justement, c'est que quelqu'un qui va lire ces livres-là, qui ne fait pas partie des ulama, il va peut-être lire dans ces livres des choses qu'il pense être vraies, et alors qu'elles sont fausses, et il va les accepter. Et il va lire des choses qu'il pense être fausses, alors qu'elles sont vraies. Ou des choses qu'il pense être vraies alors qu'elles sont fausses. Et il va rejeter la vérité et il va accepter le faux. Donc, les ulama ont expliqué et clarifié que, en ce qui concerne les livres des Mubtadi'a et les audios des Mubtadi'a, il faut complètement les mettre de côté. Et ils ont expliqué que ce qu'il y a de vrai dans leurs paroles, il est déjà dans le Coran et dans la Sunna. Donc, on l'a déjà. On n'en a pas besoin. Et ce qu'il y a de faux, bien, c'est de ça qu'on doit se passer. Mais étant donné qu'il y a un doute, étant donné qu'il y a une possibilité de tomber dans l'erreur à cause de ces livres-là, eh bien, le mieux, c'est de les mettre de côté et de ne pas s'y référer du tout. Hein? Et donc, ça, c'est la réponse par rapport à qu'est-ce qu'un frère m'a demandé au sujet d'un individu, comme Tariq Ramadan, par exemple. Il me disait, est-ce qu'on peut quand même profiter de qu'est-ce qu'il dit et de ses paroles, ou bien il faut complètement s'en abstenir et rejeter tout ce qu'il dit. Et à ce point-là, c'est la même chose. Des gens comme Tariq Ramadan, c'est des personnes qui maîtrisent la langue, ils savent comment jouer avec les mots, comment déformer le sens des choses et faire passer leurs égarements d'une façon subtile. Et beaucoup de gens finissent par accepter ces idées sans même réaliser qu'elles sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Hein? Et parmi ces idées, il y en a qui sont des idées et des croyances et des principes qui sont des principes qui sont en opposition avec la base même de l'islam. C'est-à-dire que c'est des paroles, si tu les prends telles quelles, c'est des paroles qui peuvent même amener quelqu'un à tomber dans le coffre. Hein? Donc, quelqu'un ne peut pas juste dire à un musulman, vas-y, prends le bien dans ses paroles, puis laisse de côté qu'est-ce qui est mauvais. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Hein? Et donc, les salafs, ils ne disaient pas aux gens, prenez le bien dans les livres des gens de bid'ah et laissez de côté le mal. Ils mettaient en garde contre les livres et ils disaient, ne regardez pas dedans. Et ne vous assoyez pas avec eux et n'écoutez pas leurs paroles. Ils n'ont pas dit, prenez le bien et laissez le mal, écoutez le bien et laissez le mal. Et c'est bien entendu comme quand on dit, par exemple, que tout le monde peut faire des erreurs. Hein? Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs. Et il n'y a pas un savant parmi les savants, excepté que dans leurs paroles, il va y avoir quelque chose qui est contraire à la vérité. Ça, c'est vrai. Sauf que les erreurs des savants qui sont sur la sunna, ce n'est pas de la même catégorie que les erreurs des gens de bid'ah. Puisque les erreurs des gens de bid'ah sont dans leur fondement. Tandis que les erreurs des ulama de la sunna sont des erreurs qu'ils font par ijtihad, ou bien des erreurs qu'ils font par inattention ou des choses de ce genre. Et en général, ils reviennent à la vérité quand on leur clarifie l'erreur qu'ils ont fait, et ce n'est pas des erreurs dans les bases, dans les fondements de la aqida. D'accord? Donc il y a des différences entre ces deux choses-là, il ne faut pas mélanger les choses. Un autre point aussi qu'on m'a demandé, c'est parce qu'on a parlé, par rapport aux explications qu'on a données, on a parlé des égarements, parmi les égarements des soufis, et le fait que ces gens-là construisaient des tombeaux sur les tombes des salihins et des awliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La'natullahi ala al-yahoudi wa al-nasara ittakhadu quboura anbiya'ihim masajid. Il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme des mosquées ou comme des lieux d'adoration. Et dans un autre hadith, Ali radiallahu anhu, il dit à un des compagnons, Abu al-Hayyaj, Ali, il lui dit, est-ce que tu veux que je t'envoie dans une mission pareille à celle dans laquelle le messager m'avait envoyé? Hein? Il a dit, que tu ne laisses aucun tombeau surélevé sans que tu le nivelles, et aucune statue, excepté que tu l'as détruit. C'est-à-dire, voilà, أن لا تضع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صنما أو ولا تمثالا إلا طمسته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. Ça c'est un hadith authentique. Et donc, le fait de détruire les tombeaux sur les, et de les niveler au niveau du sol et toutes ces choses-là, ça c'est quelque chose qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de construire quoi que ce soit sur la tombe ou d'écrire sur les tombeaux ou de plâtrer les tombeaux ou de faire une construction quelconque sur une tombe. Il a interdit ça strictement et formellement, que ce soit pour un homme pieux ou pour le commun des musulmans, pour un roi ou pour le simple musulman, c'est pas permis, c'est interdit. Et il a envoyé Ali radiallahu anhu pour niveler tous les tombeaux qu'il trouvait qui étaient surélevés. Hein? Donc ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, en ce qui concerne la façon dont cette application doit être établie et comment on doit mettre en application ce principe-là, c'est que les ulama ont expliqué que ça doit être sous l'ordre du dirigeant des musulmans. C'est-à-dire, dans un pays musulman, c'est le dirigeant qui doit faire ça. Ou bien sous son commandement ou son ordre. C'est lui qui donne l'ordre de le faire. Et ça fait partie d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Mecca, eh bien, il n'a pas cassé les idoles. Quand il était à Mecca, quand il a commencé sa da'wa, à la ilaha illallah, il n'a pas détruit les idoles au début. Parce qu'il savait qu'il n'a pas la force, il n'a pas la capacité. Et que s'il le fait, ça va ramener plus de mal et plus de tort pour les musulmans. Alors, il a patienté. Et il a appelé les gens à la ilaha illallah. Et il leur a expliqué que ces idoles-là sont fausses et qu'il faut cesser de les adorer. Donc, il ne les a pas cassées physiquement, mais il a commencé à les casser dans le cœur des gens. Parce que ces idoles-là, elles étaient dans le cœur des gens. Et il les a donc combattues par la parole et par le Coran. Et quand il est allé à Médine, et quand Allah subhanahu wa ta'ala par la suite lui a donné la force, et qu'il a eu la possibilité et la capacité, il est rentré à Mecca. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a détruit ses idoles et il a ordonné à les sahaba d'entrer dans la Kaaba et d'effacer les images qui étaient à l'intérieur. Et après, il est entré à l'intérieur et il a prié dedans. Hein? Mais pas avant. De même que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, lorsqu'il faisait sa da'wa dans la région du Najd et qu'il appelait les musulmans au tawhid, les gens à son époque avaient l'habitude d'aller adorer ou prier le tombe d'un des compagnons, Zayd. Et il était mort à cet endroit-là durant la bataille contre les Murtadoun. Et il est mort, donc il a été enterré là-bas. Les gens ont pris son tombeau comme une idole et ils l'ont pris comme une idole. Ils ont commencé à l'adorer et à se rapprocher de sa tombe. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il passait devant les gens en train de faire le shirk devant cette tombe, et qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, Allah est meilleur que Zayd. C'est-à-dire, si vous avez besoin de quelque chose, demandez pas à Zayd, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne pouvait rien faire. Il n'avait pas l'autorité, il n'avait pas de pouvoir. Mais lorsque par la suite il y a eu l'amir Mohammed ibn Saoud qui l'a supporté, hein, qui lui était le dirigeant de cette région-là et qu'il avait l'autorité et la capacité de changer le mal avec la force. Eh bien, là, par la suite, il a fait détruire ce tombeau-là, hein, et il a fait niveler. et tous les autres endroits où il y avait ce genre de choses-là dans la péninsule arabe, même à Mecca et à Al-Madina. Parce que dans ces villes-là, dans le Baqir, par exemple, il y avait plein de mausolées. Il y avait plein de mosquées, de bâtiments construits sur les tombes. Tout ça, ça a été détruit. Et on voit parfois dans certains pays, peut-être aujourd'hui, comme qu'est-ce qui se passe, par exemple, au Mali, par exemple, que certains vont, par exemple, aller pour détruire les tombeaux de certains soi-disant Aulia qui sont enterrés là-bas, à Tombouctou. Et les ulama, ils ont parlé de ce genre de choses-là, et ils ont expliqué que si cette chose-là n'est pas faite par les dirigeants, les conséquences et les répercussions d'un tel geste pourraient être parfois plus néfastes que le bien qu'on veut faire. Et lorsque tu veux interdire un mal et que tu n'as pas la capacité de le faire, et que ça ramène un mal plus grand qu'un bien, dans ce cas-là, d'interdire le mal devient interdit. D'accord ? Et une chose qui est importante aussi à comprendre à ce sujet-là, c'est que le groupe qui est en train de faire ce genre d'action-là est relié avec une association ou une organisation qui est en collaboration avec un groupe qui est relié avec Al-Qaïda. Et ces gens-là sont sur le manhaj des Khawarij. Ces gens-là sont sur le manhaj des Khawarij, qui font le takfir des musulmans et des dirigeants musulmans et des ulama de l'islam, et qui appellent à utiliser des moyens et des méthodes pour changer le mal qui sont en contradiction avec la sunna et le manhaj des salaf, comme le fait d'utiliser les attentats terroristes ou de faire des kidnappings et de kidnapper et d'enlever des koufars qui sont avec qui les États musulmans ont des ententes de paix, et de les kidnapper et de demander des rançons pour eux ou des choses de ce genre, et parfois même ils les tuent. Tout ça, c'est des crimes contre l'islam et contre la charia d'Allah et contre les musulmans et contre l'islam, parce que ça donne une mauvaise image par la suite à l'islam. Donc il n'y a pas de doute que l'acte qu'ils sont en train de faire en soi, à la base, ça fait partie de l'islam, de détruire les tombeaux sur les endroits où les gens vont adorer les morts et des trucs de ce genre. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand est-ce qu'il faut le faire et de quelle façon ça doit être fait. Et peu importe que, par exemple, on voit que maintenant les koufars, ils commencent à dire que ces idoles ou ces tombeaux font partie du patrimoine de l'humanité ou des choses de ce genre. Comme ils ont dit par rapport au Bouddha, par exemple, parce que ils ont été détruits, que c'était du patrimoine de l'humanité. Eh bien, imaginez s'ils étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait détruit les 325 idoles autour de la Kaaba, ils auraient dit, ces 325 idoles font partie du patrimoine de l'humanité, il ne faut pas les détruire. Et quand Ibrahim alayhi salam a détruit les idoles de son peuple, ils auraient dit quoi? Ils auraient dit, ça fait partie du patrimoine de l'humanité, il ne faut pas les détruire. Donc nous, on ne va pas prendre comme prétexte ou comme excuse le fait que des koufars parmi les juifs et les chrétiens ou les laïcs ou les athées dans le monde décident ou prétendent que telle ou telle idole fait partie du patrimoine de l'humanité, qu'on va le laisser, on ne va pas le détruire. Ça, c'est pas, pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est considéré. Ce n'est pas quelque chose qui est pris en considération. Mais l'important pour nous, c'est de faire les choses selon les règles de la charia, selon le Coran et la Sunna. Donc ça, c'est juste des points que je voulais commencer à clarifier avant d'expliquer la suite des paroles du Cheikh. Inch'Allah. Donc il dit ensuite: وفي هذه الأيام الماضية وجدت منشورا ينشره رجل صوفي مصري اسمه الحزب السيفي ويذكر عن علي ابن أبي طالب ويذكر عن علي ابن أبي طالب وليس لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه كلمة واحدة منه وهذا من باب الدجل على الناس وجبلهم إلى المنهج الصوفي في الضلال Donc le cheikh il dit que dans les jours derniers il y a des gens qui ont propagé une brochure d'un homme soufi égyptien dont le, et cette brochure là ou ce livre là s'appelle Al-Hizb al-Sayfi, et il prétend dans ce livre que ça c'est un zikr qui est rapporté selon Ali ibn Abi Talib. Et le cheikh il dit que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il n'a pas dit un seul mot de ce qui est écrit dans ce livre-là. Mais ça fait partie des mensonges que ces gens-là rapportent sur Ali radiyallahu anhu, et c'est les ruses qu'ils utilisent pour essayer d'attirer les gens à leur méthodologie soufiste, qui est une méthodologie égarée et qui égare les gens. Et ils font souvent ça. Souvent, vous allez voir que Soufia, ils essaient de ramener leur tariqa à un d'entre les Sahaba. Et c'est ça qu'ils font souvent. Par exemple, ils prétendent que leurs chouyours aujourd'hui remontent tous à une chaîne, une isnad. Et que cette isnad revient jusqu'à Abu Bakr radiyallahu anhu, ou bien parfois ils vont dire jusqu'à Ali radiyallahu anhu, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas enseigné toute la science à tout le monde. Ils prétendent que certaines parties de la science étaient cachées, étaient secrètes, et qu'il l'a mentionné ou enseigné seulement à un d'entre les sahaba, et donc ils prétendent que eux ils ont une chaîne qui descend de leur cheikh jusqu'à ce sahabi, et que c'est une connaissance secrète de la religion qu'ils ont, que personne d'autre d'entre les musulmans sur la terre ne peuvent connaître excepté eux. Et ça, bien entendu, c'est un égarement. Et Aïcha radiallahu anha, elle a dit, celui qui prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché quoi que ce soit de ce que Allah lui a révélé, alors il a inventé un des plus grands mensonges contre Allah. Donc ça c'est des exemples comment les gens qui prétendent ce genre de choses-là pour essayer de se donner une autorité sur les gens en inventant des mensonges contre la religion de l'islam. Et les ulama de hadith ont mentionné et clarifié que la plupart des asanides, ou toutes les asanides des soufis qu'ils rapportent, sont des asanides qui sont munqati'a, c'est-à-dire des chaînes de transmission qui sont coupés, qui ne sont pas authentiques. Donc, il y a des gens dans ces chaînes-là qui ne se sont jamais rencontrés et même qui n'étaient même pas vivants à la même époque. Donc, comment ces gens-là auraient pu se transmettre ces connaissances-là ou ces paroles-là, sans oublier que ce sont des mensonges contre l'islam. Ensuite, le cheikh il dit « وَلَهُمْ اجْتِمَاعَاتٌ وَلَهُمْ مُصْطَلَحَاتٌ فِي الذِّكْرِ وَتَلَاعُبُ وَيَخْتَصِرُونَ الذِّكْرِ فَيَجْلِسُونَ يُرَدِّدُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ اللَّهِ بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَنَغَمَاتٍ مُتَّحِدَةٍ أو لا إله لا إله عن يمينه 100 مرة أو 200 ثم يلتفت عن يساره ويقول إلا الله 600 مرة وهذا تلاعب من الشيطان بهم واضح وبعض منظري وكتاب منهج الإخوان المسلمين سلك هذا المسلك الردي كما سلك المؤسس الأول لمنهج الإخوان المسلمين. Donc le cheikh il dit que les soufis, ils ont également des rassemblements qu'ils font à certains moments. Et ils ont leur propre terminologie. Des fois, tu vas trouver dans les livres des soufis, il y a des termes qui sont employés. Et eux, ils ont leur propre signification pour ces mots-là, que personne ne connaît, sauf ceux qui ont étudié justement les significations des terminologies soufis. Et non seulement ils ont des terminologies et des significations différentes que le reste des musulmans, mais ils ont même des symboles, c'est-à-dire ils écrivent dans des langages codés, avec des symboles et des signes pour faire passer des messages. Et ça, tu le retrouves dans leurs livres. hein, des signes de croix avec des dessins, des petits dessins comme ça. Puis c'est des alphabets que eux ils ont inventés justement pour se transmettre des informations sans que personne d'autre puisse comprendre qu'est-ce que ces symboles-là signifient. Et dans les livres, donc vous pouvez retourner à leurs livres, vous allez trouver ces, ce genre de symboles-là. Et les ulama d'Ahl-Sunna, quand ils mentionnent les égarements des soufiyines dans leurs livres, ils mentionnent ces symboles-là aussi pour mettre en garde les musulmans contre ces, ce genre de choses. Et ils rétrécissent les rappels quand ils font le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les raccourcissent. Et parfois, au lieu de faire un dhikr complet, de dire subhanallah ou alhamdulillah ou la ilaha illallah ou une parole qui a une signification, il se limite à répéter seulement le nom d'Allah comme ça. Allah, Allah, Allah, Allah. Et ils vont le répéter comme ça des centaines de fois et en groupe. Hein? Et ils le répètent d'une certaine façon, même parfois en, avec la même voix et en, avec une certaine harmonie. Et comme Yanni, ils le font en même temps, puis parfois ils vont rajouter à ça des danses ou des mouvements. Hein, ils vont se pencher à gauche, à droite, puis en même temps qu'ils vont commencer à faire ce genre de dhikr. Il y en a même qui vont se limiter juste à dire ho, ho, ho, ho, ho, comme ça pendant des heures. Et ils pensent que ça c'est le dhikr des khawas. C'est-à-dire, ils disent qu'il y a le commun des musulmans, les musulmans ordinaires, puis ils font le dhikr comme tout le monde, hein, le dhikr des prophètes. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Ça, c'est pour eux le dhikr des gens du commun. Puis il y a le dhikr des khawas, c'est-à-dire des élites, et ça, c'est les gens particuliers. Et eux, ils se limitent à dire ho, ho, ho, ho. Hein, c'est ça leur dhikr. Pourtant, tu ne vas pas trouver ça dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Tu ne vas pas trouver ça dans le Coran ou dans la sunna. Et tu ne vas pas trouver ça dans les exemples de l'enseignement des prophètes d'Allah. Mais tu trouves ça dans leurs enseignements à eux. Et ils vont parfois même, comme le cheikh il dit, ils vont se limiter à faire le dhikr, ils vont juste dire, ils vont couper la ilaha illallah en deux. Ils vont juste dire la ilaha. Ils se tourner vers la droite, puis ils vont dire la ilah, la ilah, la ilah. Hein? Il n'y a rien qui est adoré, il n'y a rien qui mérite d'être adoré. C'est la négation, hein? La partie qui comprend la négation. Ils le répètent pendant 100 fois ou 200 fois. Puis ils se tournent de l'autre côté, puis ils répètent illallah. Et il va le dire 600 fois. Hein? Et il dit, le cheikh, que ça c'est un jeu que le shaitan joue avec ces gens-là et qui est clair. Et certains d'entre les chefs et les responsables, les théoriciens des Ikhwan, ont suivi cette méthodologie-là dans le soufisme. Et de même que le fondateur des Ikhwan lui-même. Le cheikh, il mentionne ici en note de bas de page une parole qui a été mentionnée dans un des livres du cheikh Hamoud al-Tuwayjiri, dans son livre qui s'appelle Al-Qawl al-Balir. Et dans ce livre-là, il mentionne que il dit وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ التَّبْلِغِيِّينَ نَوْعًا آخَرَ مِنَ الذِّكْرِ وَهُوَ أَنَّهُمْ يُكَرِّرُونَ كَلِمَةَ لَا إِلَهَ 600 مَرَّةً ثُمَّ يُكَرِّرُونَ إِلَّا اللَّهَ 400 مَرَّةً وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنَ الرِّجَالِ أَنَّهُمْ سَمِعُوا جَمَاعَةً أنهم سمعوا جماعة من التبليغيين الهنود وهم في بيت في شارع المنصور بمكة يكررون كلمة لا إله نحو من 600 مرة ثم بعد ذلك يكررون كلمة إلا الله نحو من 200 مرة ويقولون ذلك بصوت جماعي مرتفع ويسمعه من كان في الشارع ذلك بحضرة شيخ من كبار مشايخهم الهنود وقد استمر فعلهم هذا مدة طويلة وكانوا يفعلون ذلك في الشهر مرتين مرة في نصفه ومرة في آخره Donc, Cheikh Hamoud al-Touajri, il mentionne dans son livre que certains, ça a été mentionné que certains d'entre les savants des Jamaat Tabligh, ils ont une autre sorte de zikr qu'ils font, c'est qu'ils répètent « La ilaha » 600 fois, puis après ils répètent « Illallah » séparément 400 fois. Et il y a un homme qui a mentionné qu'il a entendu un groupe de parmi les tabliriens de l'Inde qui étaient réunis à la Mecque sur la rue qui s'appelle la rue Al-Mansour, et il les a entendus en train de répéter ça, « La ilaha, la ilaha » 600 fois. Et après, il répétait « Illallah » environ une centaine de fois. Et il faisait ça en groupe, tous en même temps, avec la même voix, hein, en même temps, à l'unisson. Et on pouvait même les entendre de la rue. Et ça, c'était pratiqué et c'était fait en présence d'un des plus grands chers de l'Inde parmi eux. Et ils ont continué à faire ça pendant très longtemps, et ils le faisaient deux fois par mois. Une fois au milieu du mois et une fois à la fin du mois. Donc ça fait partie des bidas. Et c'est des choses que les soufiyines, parmi les tablirines, ils le pratiquent, ces choses-là. Et les têtes parmi les tablirines, ils font ce genre de pratiques-là. Hein? Parce qu'à la base, ce sont des gens qui ont établi leur méthodologie sur la méthodologie des soufiyas. Même si, en apparence, tu ne vas pas nécessairement voir le soufisme tout de suite chez ceux qui sont avec Jamaat Tabligh, mais tu ne vas jamais trouver parmi eux des gens qui vont condamner ce genre de choses-là, ou qui vont mentionner que ce sont des formes d'égarement ou des bidars. Hein? Puisque ces gens-là ne croient pas en, justement, la réfutation des innovations et des bidars. Et le cheikh il dit ensuite, voilà, chaque anna hadha min al-istihza billahi wa bi dhikrihi ولا يخفى على من له علم وفهم أن فعلهم هذا يتضمن الكفر 600 مرة لأن فصل النفي عن الإثبات في قوله لا إله إلا الله بزمن متراخ بين أول الكلمة وآخرها على وجه الاختيار يقتضي نفي الألوهية عن الله 600 مرة وذلك صريح الكفر ولو أن ذلك وقع من أحد مرة واحدة لكان كفرا صريحا فكيف بمن يفعل ذلك 600 مرة يجلس 600 مرة في مجلس واحد ثم إن إتيانهم بكلمة الإثبات بعد فصلها عن كلمة النفي بزمن متراخ لا يفيدهم شيئا وإنما هو تلاعب بذكر الله. Donc le cheikh il dit que il n'y a pas de doute que ça c'est leur forme de dhikr qu'ils font, de dire la ilah un nombre de fois, puis illallah un nombre différent de fois, puis de faire ça de cette façon là il dit ça c'est une forme de moquerie, hein? C'est comme s'ils se moquent d'Allah, ils se moquent du dhikr, hein? Et il n'y a pas de doute que pour quelqu'un qui a de la science et de la compréhension, que ce qu'ils font ça implique même la mécréance. Parce que de séparer l'affirmation de la négation dans la parole, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah, tu sépares la négation de l'affirmation, et que tu les sépares avec un espace de temps entre les deux, volontairement, il dit que ça implique la négation de al-uluhiyya. C'est comme si tu nies que Allah doit être adoré. Tu le dis, tu le nies 600 fois. Et le cheikh il dit que ça c'est une parole de kouf claire. Et si tu te limitais à une seule fois, même de dire ça de cette façon-là, une seule fois, hein, eh bien ce serait un kouf clair et ce serait suffisant pour quelqu'un pour qu'il soit dans le kouf. Alors que dire s'il le répète 600 fois dans une seule assise? Il dit là, il a. Il n'y a pas de. Hein, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'Allah, il n'y a rien qui mérite d'être adoré du tout. Ni Allah, ni autre que Allah. C'est ça que ça veut dire. Hein? Parce que la ilah, ça veut dire la ma'boud. Hein? Et ensuite, le cheikh il dit, et le fait de ramener par la suite l'affirmation tout seul, eh bien ça n'a aucune signification. Tu dis illallah, ça veut dire quoi, tout seul? Hein? Sauf Allah, ça veut rien dire. il faut que tu les le ramènes ensemble pour que ça aille une signification. La ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. La ma'bouda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la signification de la parole et c'est ça le tawhid. Hein? Que tu affirmes l'existence d'Allah et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et que tu nies hein, à toute autre chose que Allah hein, un droit quelconque à l'adoration. Donc ça c'est très important et ça nous montre encore une fois une autre des égarements parmi les égarements des soufis. Il dit wa ana bayantu fasada hadha al-amal fi kitabi al-ajwibat as-sadida مقرونا بأدلته من كتب القوم كما ذلك وكل ذلك ليعرف شباب الإسلام وطلاب العلم أنه لا يجوز لهم أن يوالوا أهل البدع. Le cheikh il dit j'ai expliqué la corruption de leurs actions et de leur de qu'est-ce qu'ils font dans mon livre Al-Ajwibatu As-Sadida et j'ai associé à ça les preuves tirer des livres de ces gens-là, c'est-à-dire les citations et les mentions de leurs égarements avec les preuves. Et donc, j'ai fait tout ça pour que les jeunes, des jeunes musulmans et les gens qui cherchent la science parmi les gens, sachent qu'il n'est pas permis de prendre pour alliés les gens de Bid'ah. Et ça, c'est un point important à ce sujet-là. Parce que il y a des catégories de Hizbiyin qui ne font pas ça. Tu vas voir, par exemple, parmi les Hizbiyin, des gens qui ne sont pas, par exemple, en train de pratiquer des actes par rapport au soufisme. Et qu'ils vont même parfois se désavouer des soufis et critiquer les soufis, parfois. Toutefois, ils vont défendre d'autres groupes de Hizbiyin ou d'autres individus parmi les Hizbiyin qui, eux, défendaient le soufisme. Hein? Donc ça c'est une contradiction. C'est comme une fois un Hizbi à Montréal, il me dit pourquoi vous critiquez pas les Ahbash hein, au lieu de critiquer les Ikhwan. Et il y a un autre comme ça qui m'a dit la même chose à Paris une fois. Il m'a dit pourquoi vous réfutez pas les Rafida, ça c'est vraiment des gens égarés, mais pourquoi vous critiquez les Ikhwan. Alors je lui ai dit subhanallah, regarde. Toi, tu dis critique, pourquoi on critique les Ahbash? Eh bien, les Ikhwan, parmi les fondateurs des Ikhwan, il y en a parmi eux qui ont la même aqida que celle des Ahbash, qui sont sur la aqida des Asha'ira hein, et des Soufis. Hein. Donc, comment tu vas me dire de réfuter un et de ne pas réfuter l'autre? Et l'autre qui m'a dit pour les Rafida, c'est la même chose. Tu me dis pourquoi je ne réfute pas les Rafida? Pourquoi je ne m'attarde pas seulement aux Rafida puis que je ne laisse pas les Ikhwan? Les Ikhwan sont les premiers à prendre les Rafida pour alliés et à les défendre. Et même que leur fondateur disait d'eux que ce sont nos frères et que hein, il faut appeler au rapprochement avec eux. Donc comment tu me dis il faut réfuter les Rafida mais il ne faut pas réfuter les Ikhwan alors que les Ikhwan sont les alliés des Rafida? Ça c'est des genres de choses que les gens... C'est comme si on dirait que les gens ne font pas les liens entre les choses. Et ils ne savent pas comment comprendre en réalité ce manhaj. Et c'est quand on a compris en réalité la réalité de Al-Wala ou Al-Bara qu'on arrive à comprendre hein, qu'on ne peut pas, même si on dit que nous-mêmes on est contre la bid'ah et qu'on ne la pratique pas nous-mêmes, mais du moment qu'on est d'accord avec quelqu'un qui la supporte et qui est d'accord avec elle, eh bien, c'est comme si indirectement on la supportait et c'est une forme de wala pour les gens de bid'ah. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Hein? Donc, tu vas dire, par exemple, quelqu'un qui prétend ou qui se montre être sur la sunna et qui veut se faire passer pour un da'aya qui est salafi et qui parle de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, de Cheikh ibn Uthaymin, de Cheikh Al-Albani et des ulama salafiyin, puis qu'il refuse qu'on critique des gens de bid'ah parmi les Ikhwan, qui défend Sayyid Qutb, qui défend Hassan al-Banna, qui défend d'autres personnalités parmi les Hizbiyin, qui ont, eux, défendu des bid'ah parmi les bid'ah des Rafida, des Khawarij, des Soufiyah et des autres égarements. Donc c'est indirectement qu'ils sont en train de défendre ces bid'ah-là aussi. et essayer de les rapprocher de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Et c'est pour ça que ces gens-là sont des dangers, hein, pour les jeunes, puisqu'ils essaient de leur faire baisser leur garde vis-à-vis des gens de bid'ah. Donc il faut que les jeunes fassent attention à ceux-là. Et il y a une catégorie de cette da'wah-là à Paris maintenant qui est en train de pousser cette mentalité-là chez les jeunes, hein, qui essaie de détourner les gens de la salafia pour les enligner vers cette forme de hizbiya et cette attitude envers les gens de bid'ah. Hein. Et parmi ces gens-là, par exemple, un d'entre ceux qui commence à se faire le plus connaître, c'est Rachid Abu Huzaifa, hein, Rachid de Brest. Hein, c'est une de leurs têtes. C'est quelqu'un qui va s'allier, par exemple, avec Aïd al-Qarni, hein, et avec Mohamed al-Uraifi et Mohamed Hassan. C'est ses références. Nabil al-Awadi. Hein, tous ces prêcheurs-là, c'est pas des prêcheurs qui suivent la voie des salafs. C'est des gens qui, hein, sont penchants vers le manhaj des Qutbiyyin et des Sururiyya et des Takfiriyyin. Donc si quelqu'un il défend ces gens-là et il approuve la méthodologie et la voie de ces gens-là, puis qu'après il se dit salafi, il y a un problème. Et puis après, ensuite, il cite Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymeen et les autres ulama salafiyyin, il y a un problème. Hein? Donc ça c'est, il faut donc faire attention à ceux-là. Nadir Abu Anas, Rachid Abu Hudayfa ou Rachid de Brest, ou il y a tous ces gens qui suivent cette clique ou ce groupe-là, que ce soit à Paris ou en Belgique, hein, Rachid Haddash, l'autre, comment il s'appelle, Mustafa Kastit, et cette catégorie-là. Peu importe les diplômes qu'ils ont, le prestige qu'ils ont, la réputation qu'ils ont, le respect qu'ils ont, les positions qu'ils ont, c'est pas ça l'important. L'important c'est d'avoir un manhaj qui est salim, un manhaj qui est propre, qui est clair, que tu suis le Coran, la Sunna, selon la compréhension des salafs. Et c'est ça qui fait que tu es sur la bonne voie. Toute autre chose, après tu t'allies avec des gens de Hizbi, avec des gens de Bid'a, tu contredis le manhaj des salafs, alors il y a un problème. Il faut corriger ce problème. Et tant que ce problème n'est pas corrigé, on continuera à mettre en garde contre ce genre de personnes et à avertir contre eux pour éviter que les jeunes tombent dans l'égarement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne voient pas le mal et qui ne voient pas le danger qu'il y a dans ces individus-là aujourd'hui. Hein? Parce qu'ils ne connaissent pas les détails de qu'est-ce que ces gens-là sont en train de suivre et les idées vers quoi ils sont en train d'appeler les jeunes. Mais des gens qui sont, par exemple, des frères de Salafi qui sont à Brest et qui connaissent, par exemple, ces gens-là de proche, ils savent réellement d'où ces gens-là viennent et c'est quoi leur voie, et c'est quoi leur manhaj, c'est quoi leur méthodologie, et ils nous en ont informé beaucoup de ces choses-là. Et beaucoup d'entre les gens qui sont autour de ces personnes-là, à Paris ou ailleurs, des frères Salafi de ces régions-là, les connaissent de près. Et ils savent la réalité de leur méthodologie et que ce ne sont pas des salafis. Et ils ont mis en garde et averti justement contre ça. Et ils savent jusqu'à où ça va amener. Et avant, il y avait un autre imam à Paris qui s'appelait Bachir. Et cet imam, il prêchait son venin en sourdine et en dessous. Personne pouvait en apparence penser que c'était quelqu'un qui n'était pas correct parce qu'il se prétendait être un élève de Cheikh Ibn Uthaymeen. Hein? Et beaucoup de gens le défendaient malgré que des gens qui étaient proches de lui, qui avaient eu des conversations proches avec lui, savaient que c'était une personne qui avait des problèmes dans sa méthodologie, dans son manhaj. Et il y a plein de choses qui apparaissaient de temps en temps qui montraient que la personne n'était pas claire. Mais encore là, beaucoup de gens mettaient des doutes et des points d'interrogation ou bien remettaient en question les critiques qui étaient faites contre lui. Jusqu'à ce que maintenant, quand il est retourné en Tunisie et qu'il fait des vidéos et qu'il met ça sur YouTube, il a maintenant fait paraître son manhaj d'égarement de façon très claire. Et quand il a commencé à critiquer des ulama comme Cheikh Rabi al-Madkhali et d'autres parmi les ulama et à les dénigrer, à les insulter et se moquer des salafiyins, maintenant personne ne peut penser que cette personne-là, maintenant, il y a un doute sur lui, qu'il est dévié et qu'il fait partie des Hizbiyin. Et donc, il ne faut pas attendre comme si que les gens sont déjà pris dans leur filet, une fois qu'il est trop tard maintenant, hein, qu'ils sont attirés vers ces gens-là, qu'ils les écoutent et qu'ils pensent que ce sont des références pour les gens, que là, il est trop tard. Donc, il faut savoir comment reconnaître ces gens-là et avec qui ils s'associent. Et c'est qui les gens qui les entourent et c'est qui leurs alliés. Hein? C'est pas une question de, hein, comme certains qui, comme ces gens-là le prétendent quand on les critique, ils pensent que ça c'est pour d'autres raisons, comme pour la jalousie ou bien pour des choses de ce genre, ou bien parce qu'on veut avoir plus grand nombre de personnes qui nous écoutent, hein, ou que c'est une compétition de ce genre. Eh bien, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que la nasiha qu'on donne, c'est une nasiha qu'on doit donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour mettre les musulmans en garde, pour qu'ils soient préservés dans leur aqid et dans leur religion et dans leur manhaj. Hein? Et que, sachez qu'il y a des prophètes qui vont venir au jour de la résurrection et qu'ils n'auront avec eux que deux ou trois personnes qui vont les suivre. Et il y en a des prophètes qui vont venir et personne sera derrière eux. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là, ils n'avaient pas une bonne da'wa? Est-ce que ces prophètes-là, ils n'étaient pas sur la vérité? Oui, ils étaient sur la vérité. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut et qui égare qui il veut. Et donc, si on a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont sur la vérité et qui veulent la vérité, alhamdoulilah. Mais s'il n'y en a que un ou deux ou même personne, alhamdoulilah aussi. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide et on appelle à Allah. On n'appelle pas à réunir les gens. On appelle à réunir les gens sur la haqq, pas juste à les réunir. Parce que l'unité, la vraie unité, c'est pas d'être ensemble, c'est d'être unis sur la vérité ensemble. Si on est unis mais qu'on n'est pas unis sur la vérité, on n'est pas unis réellement. Donc ça c'est des principes, parmi les principes de la da'wah, qui clarifient pourquoi on se concentre sur la aqida, pourquoi on se concentre sur le manhaj. Pourquoi on met toute la priorité sur ces choses-là? C'est parce que tous les messagers d'Allah, lorsqu'ils sont venus à leur peuple, c'est la première chose qu'ils ont fait. Clarifier la aqida pour les gens. Expliquer pour les gens la réalité de cette religion. Le tawhid d'Allah. Et le fait de suivre l'exemple des messagers. Et le cheikh, il dit ensuite, wala ya'khudh ولا أن ولا أن يأخذ مناهجهم وبين أيديهم وبين ظهرانيهم كتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصافي من الكدر كما هي فما هي إلا جماعة واحدة وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة قال هي الجماعة ولم يقل الجماعات. Donc le cheikh il dit donc que les jeunes doivent mettre de côté, laisser de côté les gens de bid'a, s'accrocher à la sunna et ils doivent prendre leur méthodologie yani devant eux par yani qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la méthodologie pure des salafs. Et notre jama'a, c'est une seule jama'a. Notre jama'a, c'est une seule jama'a. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a questionné au sujet du groupe victorieux et du groupe sauvé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est la jama'a. Il n'a pas dit, c'est les jama'at. Il n'a pas dit, c'est les groupes. Tu retrouveras jamais dans la sunna la mention de jama'at au pluriel. Toutes les mentions de jama'a, c'est toujours au singulier. Parce que la jama'a est une seule et même jama'a. Le groupe, c'est un seul et même groupe. Le sirat, c'est un seul et même sirat. Le chemin, c'est un seul chemin. La voie, c'est une seule et même voie. Il n'y a pas 10 voies, 10 chemins, 10 sirat, 10 jama'at. Chacun peut amener ou appeler à la jama'a qu'il veut. Non, c'est une seule jama'a. La jama'a des sahaba, des tabi'in, des tabi'in, et de ceux qui les ont suivis parmi les imams de la sunna, et qui les suivent, et ceux qui les suivent par la suite, jusqu'à la fin des temps, dans leur aqida, dans leur manhaj, dans leur pratique religieuse, et dans le reste de la religion. Naam. Donc il n'y a qu'une seule jama'a, et c'est cette jama'a-là qu'on doit suivre. Et l'imam, le sahabi Abdullah ibn Mas'ud, il disait, Al-jama'a, anta kuna ala ta'atillah, wa in kunta wahdak. L'imam Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il disait, d'être avec la jama'a, c'est d'être sur la vérité, même si tu es tout seul. Donc c'est pas une question de nombre, ou de quantité, ou de majorité, ou de minorité. Parce que souvent, c'est ça ce que les koufars disent, et même les munafiqines, à propos de certains qui veulent suivre la voie des salafs. Ils disent, ah mais ça c'est une petite minorité parmi les musulmans, hein, ils sont pas calculés ceux-là. Mais la vérité c'est pas par rapport à la minorité ou la majorité. La vérité se reconnaît par elle-même selon les preuves du Coran et de la Sunna. Et c'est ça notre référence et la compréhension des salafs salih. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Et si tu suis la majorité des hommes sur la terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Donc si c'était une question de majorité, eh bien on devrait tous suivre l'égarement. Parce que la majorité des hommes sur terre ne sont pas musulmans. La majorité des hommes sur terre sont des mouchriquines et des koufars. Hein? Allah al-musta'an. Donc ça c'est très important. Et le cheikh il dit, « وَمَا أَكْثَرُ الْجَمَعَاتِ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَمِنْ أَشْهَرِهَا جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة حزب التحرير وجماعة حزب الإصلاح وجماعة شباب محمد وجماعة التكفير والهجرة وعدد من هذه الجماعات التي انحرفت عن الخط المستقيم الذي عليه سلفنا الصالحون بقدر مخالفاتها. Et le cheikh il dit, et combien il y a de nombreuses jama'at, de nombreux groupes à notre époque. Et parmi les groupes qui sont les plus célèbres, les plus connus maintenant, le groupe des frères musulmans, le groupe de Jama'at Tablir, le groupe qui s'appelle Hizb al-Tahrir, hein, le groupe Hizb al-Islah, Shabab Muhammad, Jama'at al-Takfir wal-Hijra, hein, ça c'est plein de jama'at qui ont dévié du droit chemin et qui ont abandonné ce que suivaient nos salaf al-Salih. Et ils sont dans l'égarement selon la proportion de détournement qu'ils ont des textes du Coran et de la Sunna. Et en note de bas de page, le cheikh il a rajouté quelques autres exemples de différents groupes qui existent. Il dit comme Hizb al-Tawhid al-Islami, Jama'at al-Qur'aniyya, Jama'at al-Jihad, Jama'at al-Jabha al-Islamiyya, Jama'at al-Jabha al-Inqad, hein, celle qu'on appelle le FIS en Algérie, wa kullu Donc tous ces partis-là, tous ces groupes-là font partie des groupes, comme on a dit, qui ont dévié du Sirat al-Mustaqim et de la bonne voie. Il dit وَكُلُّ حِزْبٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْزَابِ لَهُ فِكْرٌ وَخُطُوطٌ وَمَنْهَجٌ ابْتَكَرَهَا وَنَظَّمَهَا مُؤَسِّسُهُ وَدُعَاتُهُ وَكُلُّ جَمَاعَةٍ مِنْ تِلْكَ الْجَمَاعَاتِ لَهَا كَذَلِكَ أَفْكَارٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَمَنَاهِجَ مُخْتَلِفَةٌ وَأَسَالِيبَ خَاصَّةٌ وتلتقي جميعها على مناوئة المنهج السلفي من حيث يشعرون أو لا يشعرون. Donc le cheikh dit, chacun de ces groupes là ils ont des méthodologies propres à eux et ils ont organisé pour eux différentes règles, différentes lignes à suivre, hein, qui ont été établies par leurs fondateurs et par leurs prêcheurs. Et chacun de ces groupes là ont des idéologies et ils essaient tous d'opposer le manhaj des salafs, consciemment ou inconsciemment, ou conscient, qu'ils le réalisent ou qu'ils ne le réalisent pas, qu'ils s'en aperçoivent ou qu'ils ne s'en aperçoivent pas, mais ça c'est la réalité. Le cheikh il dit donc فَالْحَذَرَ الْحَذَرُ لِتَنْجُو مِنْ شَرِّهَا وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَسْلَمْ إِلَّا إِذَا بَذَلْتَ جُهْدَكَ فِي الْعِنَايَةِ بِكِتَابِ اللَّهِ تلاوة وتدبرا للمعنى مع قراءة كتب التفسير المعتبرة كتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير السعدي وتفسير البغوي وهذه فيها كفاية وفيها غنية والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاطلاع على كتبها تبدأ بالكتب المختصرة ثم تتوسع حتى تقرأ الصحاح والسنن والمسانيد وهذا لا يتم لك إلا إذا تركت تلك المناهج التي عدل أصحابها في جل تصرفاتهم عن منهج الحق الذي يجب أن نسلكه جميعا وأن نعتصم به لقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc le cheikh il explique maintenant, il donne une nasiha maintenant générale. Il dit donc prenez garde pour que vous soyez préservés et que vous soyez sauvés du mal qu'il y a dans ces groupes. Et il n'est pas possible à quelqu'un d'en être sauvé et d'en être épargné, excepté s'il a fait tous ses efforts dans le fait de se préoccuper du livre d'Allah, de le réciter, de réfléchir et de méditer sur sa signification, tout en lisant également les livres de tafsir, qui sont des livres recommandés et reconnus par les ulama, comme Tafsir ibn Kathir, ou bien Tafsir ibn Jarir al-Tabari, ou bien le tafsir de l'imam Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, ou bien le tafsir de l'imam al-Baghawi. Ça, c'est des exemples de tafsir. Et de même que, il y a d'autres livres parmi les livres de la Sunna. Il faut absolument, si quelqu'un veut être sauvé de ces égarements-là, qu'il donne de l'importance à la lecture des livres de la Sunna. Il commence par les livres qui sont les plus résumés, comme Al-Arba'un al-Nawawiyya, et puis après Umdat al-Ahkam, Bulugh al-Maram, et puis après il peut commencer à lire Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, et les Sunan, Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Tirmidhi, Ibn Majah, et les autres Masanid, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait une bonne compréhension de ce que signifie l'islam et qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et il dit ça, tu ne pourras jamais arriver à le faire, sauf si tu abandonnes ces groupes et ces méthodologies-là. Parce que la plupart de ces groupes et de ces méthodologies-là essaient de faire détourner les jeunes de l'étude et de l'apprentissage du Coran et de la Sunna pour les distraire avec de la politique, avec des autres histoires d'autres sujets qui les détournent de la science. Et donc, il faut absolument donc qu'on s'accroche à la parole d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et cramponnez-vous donc tous au câble d'Allah. Et ne vous divisez pas. Donc, qu'est-ce que le cheikh il est en train d'expliquer en même temps ici? C'est que si tu veux vraiment être sauvé dans ta religion et obtenir, Inch'Allah, le salut, eh bien, tu dois absolument apprendre ton islam. Mais tu dois l'apprendre, cet islam, de ses sources et de ses bases. Et c'est évident que les jeunes soient confus et qu'ils soient mélangés quand il est question de parler des différents groupes et des différentes tendances, parce qu'ils n'ont pas de connaissances. La plupart, ils n'ont pas de connaissances de la réalité de l'islam dans le Coran et dans la Sunna. Et que souvent, tu vois ces jeunes-là, ils font le moineau, comme dans le badminton. Vous connaissez le badminton? Eh bien, ils jouent au moineau, Allah musta'an. C'est-à-dire, ils vont voir un, puis après, ils vont voir l'autre. Et puis, ils se font renvoyer, chacun, ils s'envoient. Le moineau de son côté. L'important à comprendre, c'est que c'est pas comme ça que tu vas trouver la vérité. C'est pas t'en allant d'un côté et de l'autre comme ça, puis demander, l'autre il m'a dit ça. Et là tu retournes voir l'autre, tu dis, mais l'autre il m'a dit ça. Chacun il essaie de défendre sa bid'a et lui il est entre les deux, il sait pas où s'en aller. Mais la vérité, elle est dans le Coran et dans la Sunna. Et dans la compréhension des salafs. Donc si tu veux comprendre ta religion et tu veux être sur la fermeté et tu veux être dans la certitude et tu veux pas être dans le doute par rapport à ta religion, retourne à comprendre ta religion de sa base, de ses preuves. Apprends le tawhid, apprends ta aqida, et apprends ton fiqh et apprends tous les autres aspects de ta religion de ses sources, et en retournant aux imams et aux ulama de cette religion, et c'est comme ça que tu vas avoir des bases solides dans ta religion. Tu connais les preuves et les fondements, comme ça peu importe qu'est-ce que quelqu'un te dit, tu le ramènes à sa source et tu détermines et tu distingues entre ce qui est vrai et ce qui est faux selon qu'est-ce que Allah a révélé et selon les paroles des salafs salih. C'est pas comme ça, il te dit quelque chose puis après t'es troublé et après tu vas voir l'autre et il te dit une autre affaire et là tu commences à être mélangé encore plus. Si tu continues comme ça, tu vas jamais trouver la vérité. Donc al-ilm, il faut étudier, il faut apprendre, et l'arabe en premier. Tu étudies ton arabe, Coran, hadith, et si tu peux, tu pars étudier dans les pays musulmans. Si tu peux être accepté dans une université islamique, alors alhamdoulilah. Si tu ne peux pas être accepté dans une université islamique, il y a diverses écoles et de plus en plus de jeunes musulmans, parce que les koufars ont tout fait pour couper la jeunesse musulmane de leur langue, qui est la langue du Coran, qui est l'arabe. Ils ont tout fait pour les éloigner de ça, pour qu'ils ne puissent pas comprendre leur religion. Et alhamdulillah, maintenant, à cette époque, on voit de plus en plus de jeunes musulmans qui ont compris l'importance de leur langue à cause du Coran et de la Sunna, qui retournent, par exemple, qui vont étudier l'arabe en Égypte, qui vont étudier l'arabe au Yémen, qui vont étudier l'arabe en Arabie Saoudite et dans d'autres pays musulmans, où il y a des universités et des institutions où il y a l'apprentissage de l'arabe dedans et qui est facilité pour eux. Donc ça, c'est une des premières portes et un des premiers chemins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man salaka tariqan yaltabisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. » Celui qui emprunte un chemin dans lequel il va chercher la science, eh bien Allah va lui faciliter par ce chemin-là une voie vers le paradis. Donc, si tu veux aller au paradis, cherche la science de ta religion, apprends ta religion. Hein? Le cheikh il dit ensuite, وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا عَلِمْتَ فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةَ وَعُلَمَاءَ السَّلَفِ وَأَتْبَاعِهِمْ هُمُ الَّذِينَ يُطَبِّقُونَ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الَّتِي خُتِمَتْ بِهَا سُورَةَ الْمُحَادَّةِ سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ الْوَلَاءِ وَالْبَرَاءِ. Donc le cheikh il dit, donc si tu as compris ça et tu as su ça maintenant, tout ce qu'on vient d'expliquer, sache maintenant que Ahlus Sunnah wal Jama'a et les ulama des salaf et ceux qui les suivent, ce sont eux qui appliquent ce verset qui est mentionné dans le Coran, qui est le dernier verset dans Surat Al-Mujadala, verset 22, qui dit « Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. » Et ça, c'est bien entendu qu'est-ce qui a rapport avec le verdict de Al-Wala wal-Bara. D'accord ? Et il termine en disant « Wal-Muhadda » درجات متنوعة فمنهم من يحاد الله ورسوله فيخرج من الإسلام ومنهم من يحاد الله ورسوله بالبدع إذ إنها تعتبر في المرتبة الثانية بعد الشرك وهي أكبر من كبائر الذنوب لأن صاحب الكبيرة كشارب الخمر والزاني والسارق ونحوهم يلم بها تارة ويتوب إلى الله إذا ذكر ثم هو يعرف أنه ارتكب معصية ولكن صاحب البدعة إذا تمكنت من قلبه تجده يجاهد في سبيل الله يجاهد في نشرها ويذب عنها تدينا وينشرها جادا ومجتهدا إذ ذب أهل السنة عن سنتهم وبينوا بطلان البدعة فإنه يذب ويبغض من أجل ذلك ويفعل الأفعال التي قد يعجز عنها غيره. Donc le cheikh il explique pour terminer que dans le verset Allah il dit يحادون من حاد الله ورسوله. Tu vas pas aimer ceux qui opposent Allah et son messager. Donc cette opposition là, cette muhada, elle est dans des degrés différents. L'opposition d'Allah et de son messager peut être dans des degrés différents. Il y en a parmi ceux qui opposent Allah et son messager, qui opposent d'une façon qui les fait sortir de l'islam. Et il y en a d'autres qui opposent Allah et son messager, mais par des innovations, par des bidas. Hein? Et ça c'est considéré le deuxième degré après le shirk. Après il y a le shirk, après il y a la bida, puis après il y a les kaba'ir. Les grands péchés. Et le cheikh explique que le danger des bida est plus grand que le danger des kaba'ir. Parce que le cheikh explique la différence, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, c'est que celui qui commet un péché, premièrement, il est conscient que il doit avoir des remords et qu'il doit se repentir et qu'il a commis un péché, quelque chose qui est mauvais. Tandis que celui qui fait une bida, il pense qu'il est en train de faire quelque chose de bon. Quelque chose que Allah aime. Et donc, il fait tous ses efforts pour essayer de la propager et de l'appliquer. Hein? Et il lutte dans la propagation de cette innovation-là. Et quand il voit les gens de la sunna qui propagent la sunna, ça le met en rage. Hein? Et ça le dérange. Et donc, ça, c'est des exemples qui nous montrent le danger de la bid'a et que c'est plus dangereux même que les péchés. Puis, Donc le cheikh ensuite, il explique, il dit wa khitaman fa inna hizb Allah alladhina radiyallahu anhum wa radu anhu hum alladhina akhadhu bi kitabillah wa bi fahm as-salaf wa bil fahm as-sahih wal inayati at-tamma wa bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa bil fahm as-sahih wal inayati at-tamma wa la yumkin ولا يتأتى لأحد الفهم الصحيح والعناية إلا إذا أخذ العلم عن أهله من علماء الشريعة أهل العناية بالقرآن وبتفسيره وبعقيدة السلف الصالحين وبسنة سيد المرسلين. Et ça c'est un point important aussi que le cheikh mentionne ça en conclusion. Il dit que le parti d'Allah, celui qu'Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui, c'est ceux qui donc ont pris le Coran et ils l'ont compris de façon correcte et ils lui ont donné une importance complète. Et de même que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui l'ont compris de façon correcte et qui lui donnent une importance, hein. Et ça c'est pas possible, c'est pas possible d'avoir la bonne compréhension et de s'accrocher correctement à ces principes-là, excepté si on prend notre religion des hommes de science. C'est-à-dire que notre religion, c'est pas suffisant de l'apprendre que dans les livres. C'est pas suffisant de l'apprendre que dans les cassettes et dans les audios. Notre religion, c'est une religion qui doit se prendre directement de la bouche des ulama, de la bouche des hommes de science. Et c'est de cette façon que cette religion a été transmise de génération en génération, depuis la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la bouche des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis par la suite. Et ça a été de cette façon-là à travers les siècles, à travers l'histoire de l'islam jusqu'à notre époque. Et une des raisons pourquoi on a vu beaucoup de jeunes s'égarer et dévier du droit chemin, c'est lorsqu'ils ont essayé parfois de prendre leur religion directement des livres et des cassettes ou des choses de ce genre, sans retourner à l'étude avec les hommes de science. Donc ils ont pris une partie de la science, mais ils ont ignoré le cœur de cette science-là et la base de cette science-là qui est uniquement chez les ulama. Et donc ils prennent des textes et ils les appliquent à tort et à travers et ils les comprennent à tort et à travers parce qu'ils n'ont pas retourné à ceux qui détiennent la réelle compréhension de ces textes-là et les principes et les fondements pour être capable de les comprendre et de les appliquer. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut absolument, pour étudier et comprendre correctement cette religion-là, retourner aux ulama de l'islam. Donc je pense que, inshallah, pour qu'est-ce qu'on a donné comme cours par rapport à ce sujet-là, inshallah, on est arrivé à la fin de qu'est-ce que le cheikh a expliqué dans son explication de l'usul al-thalatha. Et comme je vous disais au début, quand j'ai commencé, que c'est un des charhs de l'usul al-thalatha qui a traité de cette question-là, et comme je disais, c'est un des livres qui en a parlé d'une façon qu'on ne retrouve pas dans les autres, en général, et détaillé de cette façon. Hein. Donc, alhamdoulilah, on espère que ça a été bénéfique, et que vous avez profité de qu'est-ce qui était mentionné dans ce dars, et que, inshallah, on va prendre ça en considération, et qu'on va essayer d'appliquer de qu'est-ce qu'on a appris de la meilleure façon, et qu'on va essayer de faire des efforts aussi pour augmenter notre connaissance et notre compréhension de ce qu'on a expliqué, parce que des livres et des explications audio par les ulama au sujet de cette question-là sont disponibles également sur internet ou ailleurs. Et donc c'est le devoir de chacun d'entre nous de faire les efforts pour essayer d'augmenter donc sa connaissance de l'islam, sa compréhension de l'islam, son application et son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour devenir un meilleur musulman. Et donc on demande dans cette chose-là, dans cette voie-là, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son support. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala aussi d'unir les cœurs des musulmans qui veulent s'accrocher au Coran et à la Sunna selon la compréhension de nos salaf salih et de mettre entre leur cœur l'amour et la fraternité. Et on termine donc cette leçon inshallah avec ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم.